Alors, l'intervention d'aujourd'hui, qui va donner lieu en 2012 à une publication, c'est un travail que je mène depuis très longtemps, une publication qui s'intitule « Sexe et colonies, virilité, homosexualité et tourisme sexuel au Maghreb à l'époque coloniale ». Évidemment, je ne vais pas vous parler de tout ça maintenant en 20 minutes, je vais considérablement réduire mon propos. Mais je veux dire que c'est le prolongement d'un travail de recherche engagé il y a de cela plusieurs années dans le cadre de ma thèse sur la prostitution coloniale dans l'Algérie, le Maroc et la Tunisie coloniale, et que pour des raisons diverses, notamment pour des raisons de source, mais pas seulement, aussi de maturation intellectuelle, j'avais à l'époque de la rédaction de ma thèse laissé de côté fort opportunément dans une petite case en me disant qu'un peu plus tard, je reprendrai finalement ces questions-là. Alors c'est ce que j'ai fait depuis, je dirais, 3 ou 4 ans, parce qu'il me semble que ces questions de virilité, de colonisation, de nationalisme permettent d'éclairer d'une manière intéressante et décalée la question coloniale dans l'Empire français, mais je dirais par extension, évidemment, dans les autres expériences impériales, même si moi je me contente de l'Empire français et dans l'Empire français du Maghreb. Il m'est en effet apparu assez vite que la colonisation française au Maghreb avait été une entreprise virile, reposant sur un dispositif politique de domination qui a utilisé les rapports sociaux de sexe et la sexualité comme outil d'hégémonie. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais tenté de mettre en place quand j'avais traité de la question de l'implantation du réglementarisme, du système de régulation de la prostitution au Maghreb à partir de 1830. Mais cependant, je voulais dépasser ce cadre pour tenter de montrer que la planification dans le cadre colonial des rapports sociaux de sexe et de la sexualité ne pouvait être réduite à la simple question de la prostitution, que ça dépassait bien sûr largement cette question. Et une première entrée pour moi a été alors logiquement celle de la virilité. Et j'emploie le terme virilité plus que le terme de masculinité parce qu'en réalité, les historiens et les historiennes du XIXe siècle le savent bien. Au XIXe siècle, on a plutôt tendance à réduire la masculinité à la virilité. C'est plutôt ce terme de virilité qu'on rencontre. La masculinité, c'est plutôt une construction, même si tout ça est un peu arbitraire, du XXe siècle que du XIXe siècle. Mais avant de pouvoir établir clairement comment cette dernière, la virilité, avait été utilisée pour exemplifier et légitimer les victoires françaises pendant les guerres de conquête, et tout particulièrement en Algérie de 1830 à 1870, puis au Maroc pendant la guerre de conquête marocaine et pendant la guerre du Rif, en produisant notamment une véritable mythologie coloniale qui repose sur des hommes, sur des événements et sur des lieux, et qui est d'ailleurs au service de la grandeur et de la renaissance nationale. Je pense tout particulièrement par exemple au fait que la conquête de l'Algérie a été pensée comme une compensation au traité de Paris de 1763 et puis évidemment ensuite à la défaite de Waterloo et comment l'établissement du protectorat tunisien de la même manière a pu être pensé comme une revanche à la perte de l'Alsace-Lorraine en 1871. Donc cette mythologie coloniale très axée sur la question de la virilité au service de la grandeur et de la renaissance nationale visait en fait à lutter contre la supposée décadence dans laquelle la France était considérée comme engagée depuis la fin du XVIIIe siècle et la Révolution française. Et donc il me semblait qu'il fallait comprendre et analyser comment la colonisation avait produit un discours très structuré et très normatif sur la masculinité et la virilité de l'Empire, et pour ce faire, que devait être d'abord interrogée la construction des catégories qui organise et structure ce discours normatif en mettant en avant ce qui sourdait des sources de manière extrêmement importante, à commencer évidemment par la manière dont la virilité des autres, c'est-à-dire des colonisés, était devenue un enjeu essentiel, notamment évidemment dans les conflits de conquête, qui sont un élément important que je voudrais préciser ensuite. Deux mots simplement sur les sources. Quelles sont les sources en fait qui permettent de faire cette histoire? Alors bien sûr, il y a les sources traditionnelles de l'histoire coloniale, les sources militaires, judiciaires, médicales et administratives. Mais évidemment, le problème, c'est que ces questions-là, et notamment la question de l'homosexualité, sont très diluées dans ces sources. Donc il faut ouvrir beaucoup de cartons d'archives ce qui d'ailleurs n'est pas un problème puisque c'est notre travail, mais il faut ouvrir beaucoup de cartons d'archives pour trouver un certain nombre de données, ne serait-ce que parce que ces questions-là ne sont pas identifiées en tant que telles, évidemment, dans les archives, puisque ce n'étaient pas des questions véritablement problématisées de cette manière-là. Donc il faut évidemment faire un travail archivistique très long. Il y a évidemment toutes les sources secondaires qui sont absolument essentielles, les récits de conquête, qui disent évidemment beaucoup de choses. Tout le corpus de l'imaginaire, et donc je vais évidemment parler de la question des représentations, et puis pour la période la plus récente, les sources orales, qui doivent évidemment être mobilisées parce qu'elles sont essentielles pour appréhender un certain nombre de choses qui échappent finalement au caractère, je dirais, administratif de la source classique. Alors, la première thématique que je voulais développer, c'est comment finalement la colonisation a produit un discours qui permettait de déviriliser les colonisés. Premier point, et non des moindres, ce discours repose sur deux processus qui sont tout à fait repérables dans les archives. Processus d'efféminisation d'abord et processus de domestication ensuite. Ceci est très rapide en réalité, mais je dirais est finalement légitimé en Algérie par la promulgation officielle du Code de l'indigénat en 1881. Mais c'est aussi valable très vite en Tunisie, alors que, évidemment, la situation coloniale est un peu différente, puisque la Tunisie est un protectorat, alors que l'Algérie, évidemment, c'est la France. Donc, premier élément, on retrouve beaucoup de traces dans les archives de l'idée que l'Algérie et le Maghreb, de manière générale, ce sont des corps malsains, dans des espaces malsains, où la valeur travail est absente. Et donc, évidemment, l'un des grands thèmes dans ce contexte, c'est la morbidité du climat, hein, qui est très massivement évoquée dans les sources à disposition, notamment dans les archives médicales, bien sûr, mais pas seulement. Et qu'à la morbidité du climat répond finalement la morbidité des coutumes. Alors là, je ne vais pas m'étendre, évidemment, mais juste pour exemplifier un peu, ce qu'on appelle morbidité des coutumes dans les sources, c'est évidemment la polygamie, la répudiation, la pédérastie, les maladies vénériennes qui en découlent, et notamment la syphilis, qui est la grande peur du 19e siècle, mais aussi des choses liées à l'usage des drogues, et notamment il y a beaucoup de choses autour de la consommation du kiff dans les sociétés maghrébines. Alors ainsi, le docteur Jacobus peut-il écrire en 1927, dans son célèbre livre « L'art d'aimer aux colonies », « Le climat africain encourage la cruauté, la férocité et la dégradation morale ». D'où la nécessité, bien sûr, d'appliquer aux colonies une hygiène morale et raciale qui combattrait autant les maux du climat, et notamment la chaleur, hein, qui est, je dirais, un leitmotiv des archives, la chaleur qui, nous dit-on, décuplerait les appétits coupables, évidemment. Donc, les maux du climat, mais aussi les pathologies sociales, pour reprendre, évidemment, la nomenclature du XIXe siècle, dans le but de résister à la malédiction de l'Afrique. Alors cette malédiction est résumée très bien par Louis Moll en 1845 en ces termes. Ferais-je mention de cette haine du travail, de cette indomptable volonté de jouir et de posséder sans labeur, tendance qui réunit à la rapacité de ces mêmes hommes en font des brigands de naissance. C'est là ce que nous n'aurions jamais dû perdre de vue dans nos rapports avec les Arabes. Donc les choses sont clairement posées. Et donc on voit bien comment dans la société coloniale, on associe de manière extrêmement évidente, et évidemment quand on connaît le contexte de l'époque, ça paraît évident, virilité et travail. Et qu'on voit bien d'ailleurs comment un corps viril, c'est aussi un corps sain, un corps qui est au service de la production, évidemment. Et notamment, je dirais, dans la première phase de la colonisation en Algérie, où c'est quand même un modèle de colonisation militaire porté par Thomas Bugeaud qui est implanté, avec la figure du soldat laboureur qui est évidemment extrêmement prégnante. Dans ce contexte, évidemment, la supposée paresse atavique des Arabes est utilisée sous la forme d'une délégitimation, dévirilisation qui est censée expliquer leur défaite. Ça, c'est très intéressant en fait, parce qu'on trouve deux discours mobilisés dans les récits de conquête. D'un côté, on explique la défaite des Arabes, des villes. Et alors là, il y a tout un imaginaire qui rentre évidemment en action. Alors on nous dit que c'est parce que ces mêmes Arabes des villes auraient été repliés dans la lascivité de leur harem surdimensionné, où on trouve pêle-mêle épouses, concubines, eunuques et gitons, et que finalement c'est parce qu'ils auraient perdu leur ardeur au combat, parce qu'ils auraient été des hommes de plaisir, que finalement ils auraient capitulé assez vite devant l'ardeur guerrière des sabreurs de l'armée d'Afrique. Je signale évidemment qu'il s'agit d'une mythologie totale, et j'ai besoin de le préciser, ne serait-ce que parce que la grande révolte de l'émir Abdelkader, qui est évidemment le chef d'une très grande confrérie arabe, va à l'encontre immédiatement de ce discours. Donc d'un côté un discours sur les Arabes, et de l'autre un discours sur les Berbères pris au sens large, plutôt d'ailleurs pensé dans les bleds, où là on dit très clairement qu'ils ont conservé courage et honneur, mais en même temps qu'ils sont restés en dehors de la raison et du progrès, donc ils sont restés d'une certaine manière dans une virilité qui est pensée comme brutale, sanguinaire et primitive, et donc qui les exclut finalement d'un juste viril, qui est en train d'ailleurs de se recomposer dans le même temps en métropole. Donc on le voit dans les deux cas, qu'il s'agisse des Arabes ou qu'il s'agisse des Berbères, ces deux catégories, tout à fait artificielles, en tout cas dans les sources telles qu'elles sont présentées, sont supposées être incapables de résister à leurs instincts ou de maîtriser leurs désirs, y compris les plus coupables. Et donc, de ce fait, ils sont exclus d'une virilité civilisée à laquelle les hommes, j'entends bien sûr ici les hommes français, sont supposés, en France métropolitaine, adhérer, au moins dans les milieux aisés, et particulièrement celui des officiers de l'armée d'Afrique, à partir de la Troisième République. Deuxième thématique pour déviriliser les colonisés, c'est évidemment la question de la sexualité déviante. Et là, on voit bien comment le discours se structure autour de deux profils très particuliers. D'un côté, le pédéraste homosexuel, ça dépend des périodes, et de l'autre, le prédateur sexuel. Je mets tout ça, bien évidemment, entre guillemets, même si je ne le dis pas systématiquement. Alors, autre lieu de la dévirilisation des colonisés, bien sûr, le domaine de la sexualité. C'est donc à travers ces deux figures que ces derniers vont être soumis à une très forte normalisation. Et donc là, on a toute une série d'éléments qui sont mobilisés dans le discours colonial dominant. Une grande obsession sur la morphologie des sexes, d'abord. Beaucoup de textes médicaux, mais pas seulement, parlent de l'hypertrophie du pénis. Il y a une sorte d'obsession autour de ces questions-là. Par exemple, le docteur Jacobus dissèque dans les années 20 des cadavres d'Arabes à l'amphithéâtre de l'école de médecine et explique, je le cite, « Le pénis, au lieu d'être rétracté et réduit à un petit volume comme celui de l'Européen, le pénis de l'homme mort, disséqué bien évidemment, on ne dissèque pas encore les hommes vivants, pénis, au lieu d'être rétracté et réduit à un petit volume comme celui de l'Européen, présentait encore un développement considérable. » Donc, cette question, en fait, de la morphologie et des appétits sexuels qui sont liés à la morphologie, c'est un des thèmes récurrents de ce discours colonial. Et donc, à cette morphologie aberrante correspond évidemment des mœurs anormales, pensées comme primitives. Et là, on a évidemment, encore une fois, toute une série de catégories qui sont mobilisées. L'hypersensualité, d'abord. Ce sont des hommes supposés hypersensuels, ce qui expliquerait le harem, la polygamie et donc la licence excessive des mœurs, mais aussi ce que j'appelle l'hyper-hétérosexualité, d'une certaine manière, qui se traduirait par des pratiques sexuelles perverses. Alors là, évidemment, tout le registre des pathologies déviantes est mobilisé, la zoophilie, la nécrophilie, la sodomie, et particulièrement la question de la sodomie avec des femmes, qui semble être une obsession particulière des médecins évidemment bourgeois du 19e siècle, c'est pas étonnant, puisque c'est une sexualité non reproductive, stérile par conséquent, et qui doit être doublement condamnée, pas simplement parce que elle est déviante, mais aussi parce qu'elle est, comme je le dis, non reproductive. Et puis, bien sûr, on explique par toutes ces choses-là le fait que ces hommes sont supposés être extrêmement violents sexuellement. Et donc là, il y a tout un registre sur les violences sexuelles, et notamment sur les viols, qui est un registre éminemment important de la délégitimation comme excluant les colonisés maghrébins du juste viril dont je parlais tout à l'heure. Alors, beaucoup de choses dans les archives sur les viols. Par exemple, Joseph Maire souligne en 1884, dans ses souvenirs d'Alger, que le viol est une des distractions familières des Arabes, qui le pratiquent non seulement sur leurs femmes en retard de nubilité, mais aussi sur les jeunes garçons. C'est une citation parmi d'autres. Enfin, dernier point, ce que j'appelle la domestication castratrice, car s'ajoute à tout ce que je viens de dire le fait que les colonisés sont aussi inscrits dans un discours de domestication qui, pour moi, est par extension un discours d'efféminisation, du fait que pour les hommes du XIXe siècle, mais aussi pour ceux d'une partie du XXe siècle, la sphère domestique est évidemment une sphère féminine. Donc que des hommes soient rejetés dans le domestique, c'est de les assimiler directement, évidemment, à des femmes. Et là, évidemment, il y a une figure récurrente parmi d'autres, qui est celle du jeune boy indigène, du jeune garçon indigène qu'on retrouve dans les maisons, et je prends là la maison au sens large, ça peut être pas simplement la maison intime, mais l'espace domestique, y compris d'ailleurs dans une exploitation de manière plus large. Et ce qui m'a beaucoup intéressée dans les textes, dans les archives, c'est qu'en fait, sans même s'en rendre compte, les producteurs disent de manière très claire qu'il y a un lien finalement entre homme de maison et serviteur pour le lit, ce qui d'ailleurs renvoie à une image intéressante, celle de l'odalisque, dans un autre registre, qui est en même temps une femme pour la maison et en même temps une femme éventuellement pour le lit. Et donc, ce processus de domestication a été rendu possible, il me semble, par la reddition, notamment dans le contexte des guerres de conquête, l'acte de reddition qui est évidemment un acte de dévirilisation des uns, les colonisés, et un acte de pénétration conquérante des autres, les militaires, bien évidemment, mais aussi les colons vainqueurs. Alors, ensuite, quelques mots rapides sur la colonisation virile. De l'autre côté, je dirais, parce que, évidemment, ce processus est pensé en miroir. Donc, si on dévirilise les uns, c'est pour reviriliser les autres, d'une certaine manière. Donc, juste un mot sur la guerre de conquête, puisque je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. C'est en effet le droit du plus fort, et donc, à mon sens, du plus viril, qui a primé pendant toute la durée de l'installation française au Maghreb. La conquête de nouveaux espaces, a fortiori par la guerre, étant l'un des lieux majeurs de l'affirmation ou de la réaffirmation d'une puissance virile enchâssée à l'honneur national et à l'intégrité territoriale. La guerre de conquête est, je crois, l'une des grandes fabriques de la virilité, de la virilité française. D'ailleurs, la conquête a été un laboratoire à de nombreux niveaux. Et cette virilité est une virilité qui est pensée, théorisée et mise en action comme agressive et ostentatoire. Et donc les processus de brutalisation et de bestialisation, et là ça rejoint la première intervention de Lancelot, dans beaucoup de témoignages, en fait, on retrouve l'idée que les colonisés sont des bêtes fauves, des animaux féroces, contre qui on peut et même on doit employer des moyens exceptionnels, les enfumades, les tortures, la bastonnade, les mutilations. Évidemment, les guerres de conquête sont pleines, ai-je besoin de le préciser, de têtes et d'organes génitaux coupés. Tous les témoignages de la guerre de conquête en Algérie le montrent bien. Et on retrouve cette idée de corps en trophée sur lesquels les soldats français posent les pieds pendant la guerre. Il y a des images, des séries de cartes postales absolument incroyables. Alors, moins pour la guerre de conquête en Algérie, mais pour la guerre de conquête au Maroc, c'est tout à fait évident, hein. En fait, on voit des soldats, les mêmes photos, sauf que là, ce ne sont pas des corps d'animaux, mais ce sont des corps de colonisés qui viennent d'être vaincus dans les conflits, évidemment, qui ont permis la conquête. Et bien sûr, la féminisation à travers les violences, là aussi, violences sexuelles, viols contre les femmes et les hommes. Cette question n'est pas une question simplement des conflits de décolonisation, hein, on retrouve ça déjà dans les guerres de conquête. Je pense qu'il faudrait beaucoup travailler sur ces questions, notamment sur la question des viols des hommes, parce qu'on parle déjà très peu des viols des femmes, mais évidemment les hommes sont soumis à des pratiques équivalentes. Voilà, je m'arrête là, mais on pourra peut-être reprendre un certain nombre de questions pendant le débat. Merci beaucoup.